fixe loin devant, juste une lueur du temps d'avant. Se réveiller à tout moment, laisser la vie se faire simplement. Et si on court encore, est-ce qu'on se sent plus fort? Et qui pourrait laisser tomber, baisser les bras, plus avancer? Chacun sa voix et sa pensée, prendra des sorts et s'exprimer, et toujours croire à ses idées. On sait d'où l'on vient, un horizon bien dégagé, encore un jour et contempler, ne plus errer mais exister. C'est tout son être qui m'a aidé, me donner de la force pour continuer, et pouvoir écrire sur du papier, suivre mon cœur dans mes idées, sans tourbillon, sans tort, donner avec son corps, parce que je sais que tout n'est rien, me donner l'envie, faire son chemin. Chacun sa voix et sa pensée, oh, oh, oh, prendra des sorts et s'exprimer, et toujours croire à ses idées. D'où l'on vient, un horizon bien dégagé. Encore un jour et contemplé, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chacun sa voix et sa pensée, prendra des sorts et s'exprimer, et toujours croire à ses idées. On sait d'où l'on vient, un horizon bien dégagé. Encore un jour et man, nan lo parol nan mou kon sa doudou pen pa fe ou piyes man. Me ka fam tout tche ou. Jisi si ya mwen petan boum boum. Gajis la mwen ye mwen petan boum boum. Se bos lan mou, zot pelaje tout an lesa. Pape vin fou, revolution, tout vle emotion. Karaib Paris, de Kingston a London. Pa bizwan deplase zot tout ketan. Tout bon mizik, bon mizik tom tom. Bon bay la bon, show bay la show. Ici, on s'en va pas pour tombo. On l'a monté, descend pas pour mal d'eau. Musique pensée, c'est fait, ça te souhaite l'eau. Bon, bah là, bon, show, bah là, show. Toute ville, tout pays, j'ai à sa côté nous sortir. Oh, chacun sa voix et sa pensée. Prendra des sorts et s'exprimer. Aïe, et toujours croire à ses idées. Spécial big up pour Monsieur Francis Maïe, Mr. Love, là. L'horizon bien dégagé, original. Encore un jour et contempler, sentimental. Plus verrer mais exister, ça pas normal. On sait d'où l'on vient. Ah bon. Si ou pas ça, ça ou pas connaître rien.